Encore 2 années, pendant lesquelles Ulofis allait vivre de ses honoraires doublés par les places du maréchal, il se trouverait dans une position superbe. C'était la manne tombée du ciel. Victorin pouvait donner à sa mère tout le premier étage du pavillon et à sa sœur le deuxième, où Lisbeth aurait 2 chambres. Enfin, tenue par la cousine Bette, cette triple maison supporterait toutes ses charges et présenterait une surface honorable, comme il convenait au célèbre avocat. Les astres du palais s'éclipsaient rapidement, et Ulofis, doué d'une parole sage, d'une probité sévère, était écouté par les juges et par les conseillers. Il étudiait ses affaires, il ne disait rien qu'il ne pût prouver, il ne plaidait pas indifféremment toutes les causes. Il faisait enfin honneur au barreau. Son habitation, rue Plumet, était tellement odieuse à la baronne qu'elle se laissa transporter rue Louis-le-Grand. Par les soins de son fils, Adeline occupa donc un magnifique appartement. On lui sauva tous les détails matériels de l'existence, car Lisbeth accepta la charge de recommencer les tours de force économiques accomplis chez Madame Marneff, en voyant un moyen de faire peser sa sourde vengeance sur ces 3 si nobles existences, objet d'une haine attisée par le renversement de toutes ses espérances.